Yoko luka luka kakambongo Bisenga sengela tango nyoso Oka nisinde okozwa mingi Ndeko ya mwasi oko mikosa Nileka leka leka ya pamba Nila lela lela izangitina Oka nisinde okozwa mingi Ndeko ya mwasi oko mikosa Mbwazali Na makolomine Alandaka Zela semoko Kasi kasi yo Makolomi bale kaka Olingi Banzela zomi Kolinga linga mi bali nyonso Ko baby sans auto pamba pamba Oko miloko la fula fula Matete yolo gaba masina Lipopo pemboka monene Zone tuku mi bale na mine Oko supisa denge nini Oko sirisa mbula nini Kolinga linga mi bali nyonso Ko baby sans auto pamba pamba Oko miloko la fula fula Matete yolonga ba masina Lipopo pemboka monene Zone tuku mi bale na mine Oko sukisa denge nini Oko sirisa mbula nini Laissez tomber, Banze la wana, laissez tomber, laissez tomber, Banze la wana, laissez tomber, les aléli wana, na bonde lio, na fukamiye, laissez, laissez, laissez tomber, laissez tomber, Banze la wana, laissez tomber, les aléli wana, gomme, gomme, il faut gomme. Ba foti nyonso ya yo sala Laissez tomber Banze la wana Laissez tomber Ezale li wana Laissez tomber, Banze la wana, laissez tomber, laissez tomber, Banze la wana, laissez tomber, les aléli wana, na piolo lio, na piolo lié, tika tika tika tika, laissez tomber, Banze la wana, laissez tomber, les aléli wana, gomme, gomme, il faut gomme. La faute nyonso ya yo sala Laissez tomber Banze la wana Laissez tomber Kizale li wana Laissez tomber Maniema Maniema Maniema Kwetuku maniema Maniema Yapanda ya malela Kinduna kasongo Kibombo kabombare pangi kasambule jia panda ya malela wetu kumanyema tali malokandu lue ki ulangati eli la chumbe chumbe wetu manyema anyema anyema anyema wetu kumanyema anyema Panda ya malela samba na lukini lusangi na kasese lowa na matapa jia panda ya malela kwetu kumanyema kasenga kamituga fizi lifumade lugutu na kule shabunda kwetu manyema manyema Yeah.